France à peu. La France à peu. La France à peu. La France à peu. Lorsqu'il faut fermer une entreprise parce qu'elle n'a plus de marché. Lorsqu'il faut licencier parce que si on ne licencie pas 20 personnes, ça va être 250 qui vont être licenciés. Mais ce boulot, pour reprendre cette expression, c'est la gauche et c'est son courage et c'est son honneur de l'avoir fait. Parce que c'est l'intérêt du pays, parce qu'à terme nous pouvons moderniser et créer des emplois. Tout dans ton quartier, ben, il tombe en ruine. Ton quartier peut tomber en ruine, les gens ils peuvent vite crever comme des chiens de la cam, crever de faim, crever de la cam, crever de tout ce que tu veux, personne s'en occupe. Et le jour où tu fous le feu à 3-4 voitures, tu massacres 2-3 flics, après on te dit ouais, faut faire quelque chose, ça craint, faut s'occuper d'eux. Il faut s'occuper des gens avant qu'ils soient dans la merde, faut pas s'en occuper une fois qu'ils sont dans jusqu'au cou. On peut fabriquer plus vite et pour moins cher des produits. Vous pourrez dire tout ce que vous voudrez aux chefs d'entreprise. Ils iront toujours là où il y a la meilleure productivité, le meilleur rendement et le meilleur profit. Des gouvernements contre les salariés que le chômage.